Je vis, je meurs. Je me brûle et me noie. J'ai chaud extrême, un endurant froid dur. La vie mais est trop molle et trop dure. J'ai grands ennuis entremêlés de joie. Tout en un coup, je ris et je larmoie. Et en plaisir, main grief tourment j'endure. Mon bien s'en va. Et à jamais il dure. Tout en un coup, je sèche et je verdois. Ainsi, amour inconstamment me mène, et quand je pense avoir plus de douleur, sans y penser, je me trouve hors de peine. Puis, quand je crois ma joie être certaine et être au haut de mon désir et heurt, il me remet en mon premier malheur.